La femme française dans les temps modernes. Chapitre 1er, l'éducation des femmes, la jeune fille, la fiancée. Dans la famille patriarcale du Moyen-Âge, c'est surtout la condition domestique de la femme qui nous apparaît. La châtelaine dans le manoir féodal, la bourgeoise dans la maison de la cité, la paysanne dans la chaumière, nous font généralement revoir ce type, vieux comme le monde, la femme gardienne du foyer. Au XVIe siècle, un changement considérable se produit dans l'existence de la châtelaine. Cette vie, désormais plus sociale que domestique, devient d'autant plus brillante qu'elle concentre ses rayons dans le cercle enchanteur que trace François Ier et que l'on nomme la cour de France. Avant ce roi, Anne de Bretagne avait bien appelé auprès d'elle les femmes et les jeunes filles de la noblesse, mais c'était pour les garder à l'ombre d'une austère tutelle et les former aux mœurs patriarcales du foyer. Tel ne fut pas, on le sait, le but de François Ier, en attirant les châtelaines à sa cour. Une cour sans femme, avait-il dit, est une année sans printemps, et un printemps sans rose. Sans doute, cette apparition des femmes à la cour de France leur donne, comme nous le verrons plus tard, une influence souvent heureuse sur les lettres, sur les arts, et fait éclore la fleur délicate et brillante de la causerie française. Mais les mœurs domestiques et l'état social du pays sont loin de gagner à ce changement. Sur un théâtre aussi corrompu que séduisant, les femmes perdent le goût du foyer. Elles sacrifient au désir de plaire leurs devoirs de famille, et jusqu'à leur honneur. Elles renoncent enfin à ce patronage qu'elles exerçaient dans leurs terres. La femme de cour, environnée d'un cercle d'adulateurs, a remplacé la châtelaine, mère et protectrice de ses paysans. L'historien et l'économiste s'accordent pour constater que si la politique qui attira à la cour les familles dirigeantes acheva la victoire de la royauté sur l'esprit féodal, cette même politique prépara malheureusement aussi la révolution. Tandis que la noblesse corrompt, dans la domesticité de la cour, les paysans privés des exemples moraux et de la protection matérielle que leur donnait leur seigneur se trouvent ainsi livrés aux sophistes du XVIIIe siècle. Et ils sauront traduire par des actes d'une sauvage violence les doctrines antisociales et antireligieuses. À partir du XVIe siècle, deux courants vont s'établir dans les mœurs françaises. D'une part, une élégante corruption envahira le monde de la cour. Mais d'autre part, les mœurs patriarcales se conserveront dans bien des familles nobles ou plébéiennes, qui, soit dans les campagnes, soit encore dans les villes, n'auront pas subi la contagion immédiate du mal. À la cour eux-mêmes se retrouveront, aussi bien et plus encore, parmi les femmes que parmi les hommes, de ces natures fortement trempées, à qui le spectacle du mal donne plus de vigueur encore dans la pratique du bien. L'éducation de la femme se ressentira de cette double influence. Ici, on préparera en elle la gardienne du foyer, là une femme de la cour. Les résultats de ces deux éducations ne tarderont pas à nous apparaître. Mais dans les provinces comme à la cour, dans la bourgeoisie comme dans la noblesse, le mouvement intellectuel qui produisit la Renaissance donna une vive impulsion à la culture de l'esprit chez la femme. Nous aurons à le constater dans un chapitre spécial réservé à l'influence de la femme française sur les lettres et sur les arts. Chez les femmes de la Renaissance, l'érudition se joint au talent d'écrire. Et quelle érudition ! Les trois brillantes marguerites de la cour des Valois en donnent l'exemple. Elles savent toutes trois le latin, et les deux premières le grec. L'hébreu même n'est pas étranger à la première Marguerite, sœur de François Ier. La fille d'un Rohan lit la Bible dans le texte hébraïque. Des femmes traduisent les anciens. D'autres écrivent elles-mêmes en latin, en grec. Elles abordent jusqu'au vers latin. Marie Stuart, dauphine de France, compose un discours latin dont nous aurons à parler. Catherine de Clermont, duchesse de Retz, initiée aux mathématiques, à la philosophie, à l'histoire, possède à un si haut degré la connaissance du latin que la reine Catherine de Médicis la charge de répondre au discours que lui adressent en cette langue les ambassadeurs polonais, qui, en 1573, viennent annoncer au duc d'Anjou son élection au trône de Pologne. La harangue de la duchesse fut élevée au-dessus des discours que le chancelier de Birague et le comte de Cheverny firent aux ambassadeurs au nom de Charles IX et du nouveau roi de Pologne. l'épitaphe du tombeau de la duchesse mentionna le souvenir de ce discours. Cette inscription se trouve maintenant au musée historique de Versailles. Presque toutes ces femmes sont poètes en même temps qu'érudites. Quelques-unes sont musiciennes et s'accompagnent du luth pour chanter leurs vers. Beaucoup sont louées pour avoir allié au talent, à la science, les sollicitudes domestiques, les devoirs de la mère. Nous les retrouverons en étudiant la part qu'eut la femme dans le mouvement intellectuel de notre pays. Les filles du peuple ne restent pas étrangères à l'érudition, témoins de la maison de Robert Étienne, où l'obligation de ne parler qu'en latin était imposée aux servantes eux-mêmes. Le besoin du savoir était universel pendant la Renaissance, époque de recherche curieuse, et qui fut certes moins littéraire qu'érudite et artistique. Les femmes ne firent donc que participer à l'entraînement général, et ce ne fut pas sans excès. Elles ne surent pas toujours se défendre de la pédanterie, s'il faut en croire Montaigne. Le philosophe sceptique raille agréablement les femmes savantes d'alors, qui faisaient parade d'une instruction superficielle. La doctrine qui ne leur a peu arrivé en l'âme leur est demeurée en la langue, dit-il avec son inimitable accent de malicieuse naïveté. Si les femmes veulent s'instruire, Montaigne leur abandonne impertinemment la poésie. Arfolâtre et subtil, déguisé, parlier tout en plaisir, tout en montre, comme elle. Mais dans cette page badine, il y a déjà le grand principe de l'instruction des femmes. Montaigne leur permet d'étudier tout ce qui peut avoir dans leur vie une utilité pratique, l'histoire, la philosophie même. Cette valeur pratique de l'instruction, Montaigne l'avait déjà formulée dans un précédent chapitre des Essais, mais, à vrai dire, il ne croyait guère que la femme fût capable de trouver dans l'étude ce bienfait moral. Après avoir cité ce vers grec, « À quoi faire la science, si l'entendement n'y est ?» et cet autre vers latin, « On nous instruit non pour la conduite de la vie, mais pour l'école », Montaigne écrit, « Or, il ne faut pas attacher le savoir à l'âme, il l'y faut incorporer, il ne l'en faut pas tarouser, il l'en faut teindre, et s'il ne la change et améliore son état imparfait, certainement il vaut beaucoup mieux le laisser là. C'est un dangereux glaive, et qui empêche et offense son maître, s'il est en main faible et qui n'en sache l'usage. » À l'aventure, est-ce la cause que, et nous et la théologie, ne requérons pas beaucoup de science aux femmes, et que François, duc de Bretagne, fils de Jean V, comme on lui parla de son mariage avec Isabeau, fille d'Écosse, et qu'on lui ajouta qu'elle avait été nourrie simplement et sans aucune instruction de lettres, répondit qu'il l'en aimait mieux, et qu'une femme était assez savante quand elle savait mettre différence entre la chemise et le pourpoint de son mari. L'utilité de l'instruction était néanmoins un argument que ne pouvaient négliger les femmes, qui dès lors défendaient les droits intellectuels de leur sexe et qui comptaient dans leur rang la jeune et belle dauphine de France, Marie Stuart, prononçant en plein Louvre, devant la cour assemblée, cette harangue latine dont j'ai parlé plus haut, et qu'elle avait composée elle-même. Soutenant et défendant contre l'opinion commune, dit Brantôme, qu'il était bien séant aux femmes de savoir les lettres et arts libéraux. Nous ne savons à quel point de vue se plaça ici la jeune dauphine, si elle faisait de l'instruction une simple parure pour l'esprit de la femme ou une force pour son caractère. Mais je pense que la grâce toute féminine qui distinguait Marie Stuart la préserva des doctrines émancipatrices qui, à cette époque déjà, égaraient quelque peu les cerveaux féminins. Ne vit-on pas alors Marie de Romieux répondant à une satire de son frère contre les femmes, défendre leur mérite avec un zèle plus ardent que réfléchi, et déclarer que la femme l'emporte sur l'homme non seulement par les qualités du cœur, mais encore par les dons intellectuels, par le maniement des affaires et même par le courage guerrier. Le comte Joseph de Maistre, qui eut le tort d'exagérer la thèse opposée, devait 2 siècles plus tard répondre sans le savoir à la prétention la plus exorbitante d'une femme, dont le nom et les écrits ne lui étaient sans doute pas connus. Si une belle dame m'avait demandé il y a 20 ans, ne croyez-vous pas, monsieur, qu'une dame pourrait être un grand général comme un homme? Je n'aurais pas manqué de lui répondre. Sans doute, madame, si vous commandiez une armée, l'ennemi se jetterait à vos genoux, comme j'y suis moi-même. Personne n'oserait tirer, et vous entreriez dans la capitale ennemie avec des violons et des tambourins. Voilà comment on parle aux femmes, en vers et même en prose. Mais celle qui prend cela pour argent comptant est bien sotte. Mademoiselle de Gournay, elle, devait se contenter de proclamer l'égalité des sexes. Elle fit bien certaines petites restrictions pour les aptitudes guerrières. Mais pour la science de l'administration, elle se garda bien d'admettre que la femme fut quelque peu inférieure à l'homme. La cause de l'instruction des femmes fut mieux plaidée par Louise Labbé, la belle Cordière. Montaigne avait permis que la femme, si elle le pouvait, s'instruisit de ce qui lui serait utile. Louise Labbé nous donne l'une des meilleures applications de ce précepte, en disant que la femme doit s'instruire pour être la digne compagne de l'homme. La digne compagne de l'homme, oui, sans doute, mais aussi la mère éducatrice, selon la pensée d'un auteur qui appartient au XVe et au XVIe siècle. Jean Boucher, alors qu'il défend Gabrielle de Bourbon, femme de Louis de la Trémouille, contre ceux qui reprochent à la noble dame d'avoir écrit, aucun trouve étrange que cette dame employât son esprit à composer livre, disant que ce n'était l'état d'une femme, mais ce léger jugement procède d'ignorance, car en parlant de telle manière, on doit distinguer des femmes et savoir de quelle maison sont venues, si elles sont riches ou pauvres. Je suis bien d'opinion que les femmes de ce bas état, et qui sont chargées et contraintes de vaquer aux choses familières et domestiques, pour l'entretien de leur famille, ne doivent vaquer aux lettres, parce que ces choses répugnent à rusticité, mais les reines, princesses et autres dames, qui ne se doivent pour la révérence de leur état, appliquer à ménager comme les mécaniques, qui ont serviteurs et servantes pour le faire, doivent trop mieux appliquer leur esprit et employer le temps à vaquer aux bonnes et honnêtes lettres concernant choses morales et historiales, qui induisent à vertu et bonne humeur, que à oisiveté mère de tout vice, ou à danse, convise, banquet et autres passe-temps scandaleux et lascivieux. Mais se doivent garder d'appliquer leurs esprits aux curieuses questions de théologie, concernant les choses secrètes de la divinité, dont le savoir appartient seulement aux prélats recteurs et docteurs. Et si à cette considération est convenable aux femmes, être lettré en lettres vulgaires est encore plus requis pour un autre bien, qui en peut procéder. Ce que les enfants nourris avec de telles mères sont volontiers plus éloquents, mieux parlants, plus sages et mieux disants que les nourris avec les rustiques, parce qu'ils retiennent toujours les conditions de leur mère ou nourrice. Cornélie, mère de Gracchus, aida fort par son continuel usage de bien parler, à l'éloquence de ses enfants. Cicéro a écrit qu'il avait lu les épîtres, il les estime fort pour ouvrage féminin. La fille de Lélius, qui avait retenu la paternelle éloquence, rendit ses enfants et neveux disserts. En définissant le rôle de l'instruction dans les devoirs maternels, Jean Boucher n'a pas oublié de démontrer que l'étude prémunit aussi la femme contre les plaisirs du monde et les passions mauvaises. Le cynique Rabelais a lui-même compris que les coupables amours ne pouvaient trouver place dans une âme sérieusement occupée. Et par une charmante allégorie, il a montré Cupidon n'osant s'attaquer au groupe des muses antiques. Et s'arrêtant surpris, ravi, désarmé, et en quelque sorte captif lui-même, devant leur grave et doux accent. L'amour profane, ne pouvant les séduire, est devenu sous leur influence l'amour immatériel. En joignant les réflexions de Jean Boucher et de Rabelais à celles de la belle Cordière, on ne saurait mieux définir le rôle de l'instruction chez la femme. Le vide que remplit cette instruction et la force qu'elle donne pour mieux s'acquitter des devoirs de l'épouse et de la mère. C'était de tels principes qui, en dépit même de certaines exagérations, rendaient si solide l'instruction que possédaient au XVIe siècle des femmes de Touran. Dans une famille bourgeoise habitant le Midi, Jeanne du Laurent reçoit la sage culture intellectuelle qui lui permettra de rédiger avec un si exquis bon sens un jugement si sûr, si droit, ce livre de raison, récemment publié pour l'honneur de sa famille et l'édification de notre temps. Mais selon le témoignage de Henri IV, l'ignorance prenait cours dans son royaume par la longueur des guerres civiles. À cette éblouissante période de la Renaissance succèdent des jours sombres, où les tempêtes menacent d'éteindre le flambeau de la vie intellectuelle. Sans doute cette vie renaîtra plus florissante que jamais au XVIIe siècle. Mais les femmes du monde, déshabituées de l'étude, se livreront alors, pour la plupart, à la frivolité des goûts mondains. Les femmes instruites deviennent des exceptions brillantes, qui se produisent néanmoins dans divers rangs de la société. De grandes dames, comme Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Marie-Éléonore de Rohan, abbesse de la Sainte Trinité, à Caen, plus tard abbesse de Malnoux. Et dans une sphère moins haute, Madame des Houlières, Mademoiselle Dupré ont étudié le latin. Cette dernière apprend même le grec. La duchesse d'Aiguillon, élevée dans le bocage vendéen, reçoit, comme sa grand-mère de Richelieu, une instruction solide. Elle est même initiée aux lettres grecques et latines. Huette, le savant évêque d'Avranches, surprend un jour entre les mains de Marie-Élisabeth de Rochechouart un livre que celle-ci lui cache. C'est le texte grec de quelques opuscules de Platon, et elle achève avec lui la lecture du Crillon. Instruite et modeste comme cette jeune fille, sa tante, Gabrielle de Rochechouart, abbesse de Fontevraud, traduit le banquet et fait refondre sa traduction par Racine. Cette lettre est reproduite dans les œuvres de Boileau. Dans ce même XVIIe siècle, on admirera la science philologique d'Anne Lefèvre, la célèbre Madame Dacier. Ainsi qu'au XVIe siècle, nulle étude, quelque article qu'elle soit, ne rebute quelque femme. À la connaissance des langues, Madame de la Sablière joint l'étude de la philosophie, de la physique, de l'astronomie, des mathématiques. Les grandes dames raisonnent sur le cartésianisme. Madame de Grignan, qui se reconnaît fille de Descartes, écrit une lettre sur la doctrine du pur amour, professée par Fénelon. C'était là s'aventurer sur le terrain théologique dont Fénelon, et avant lui Jean Boucher, avait prudemment éloigné la femme. L'auteur de l'éducation des filles se défait avec raison de l'influence féminine dans les questions que doit seule trancher l'Église. Heureux le doux et saint pontife s'il n'eût pas été lui-même entraîné par une femme vers la doctrine contre laquelle s'éleva l'esprit philosophique de Madame de Grignan. Comme au XVIe siècle, l'amour de la science, quelque circonscrit qu'il fût chez les femmes, devenait un excès. Si quelques femmes continuaient d'unir à une forte instruction leur sollicitude domestique, il sembla que d'autres les aient sacrifiés à la curiosité et à la vanité du savoir. L'affectation du bel esprit, la préciosité du langage, ajoutaient encore à l'antipathie qu'inspiraient ces femmes. Leurs ridicules furent flagellés par une femme qui avait d'autant plus le droit d'être écoutée que, très instruite, elle n'était point pédante. C'était Mademoiselle de Scudéry. Elle opposa la femme savante à la femme instruite, l'une affectant avec prétention une science qu'elle n'a pas, l'autre cachant avec modestie l'instruction qu'elle possède. La première montrant chez elle plus de livres qu'elle n'en avait lus, la seconde en laissant voir moins qu'elle n'en lisait. Celle-ci, employant un air sentencieux, deux grands mots pour de petites choses, celle la disant simplement les grandes choses, la pédante interrogeant publiquement sur une question de grammaire, sur un vers d'Hésiode, la femme instruite qui a le bon goût de se déclarer incompétente. Mais notons surtout ce contraste, la femme studieuse et modeste, surveillant toute sa maison avec sollicitude, tandis que sa maladroite imitatrice dédaigne le soin du ménage. Devant cette femme, oublieuse de ses devoirs, impérieuse, suffisante, contente d'elle, et tranchant de tout, faisant réagir ses ridicules sur les femmes réellement instruites, Mademoiselle de Scudéry sent déjà bouillonner l'impatience que traduira si bien l'auteur des femmes savantes. Au milieu de ces femmes, qui cherchent à pénétrer les secrets de la nature, se livrent à des dissertations philologiques, ou pérorent sur les mérites du platonisme, du stoïcisme, de l'épicuréisme, du cartésianisme, tandis qu'elles ignorent la science la plus utile, celle du devoir modestement accompli. Je comprends la mauvaise humeur du maître de maison. Et si dans sa colère il dépasse la mesure, en confondant la femme instruite avec la pédante, je l'excuse quand il s'écrie. Le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites, vous, d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas, et or un gros Plutarque à mettre mes rabats. Vous devriez brûler tout ce meuble inutile, et laisser la science au docteur de la ville, moutée pour faire bien du grenier de Séan, cette longue lunette à faire peur aux gens, et sans brimborion dont l'aspect importune, ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune, et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous, où nous voyons aller tout sens dessus-dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Formez aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, et régler la dépense avec économie, doit être son étude et sa philosophie. Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez. Quand la capacité de son esprit se hausse, à connaître un pourpoint d'avec un haut de chausse, les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur docte entretien. et leur livre un dé du fil et des aiguilles, dont elles travaillaient au trousseau de leur fille. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs, elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde, essayant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde. Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, et l'on sait tout chez moi, hors ce qu'il faut savoir. On y sait comme vont lune, étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars, dont je n'ai point affaire. Et dans ce vain savoir, qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot dont j'ai besoin. Mes gens à la science aspirent pour vous plaire, et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, et le raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle mon rôt, en lisant quelque histoire, l'autre rêve à des vers que je demande à boire. Enfin je vois par eux votre exemple suivi, et j'ai des serviteurs et ne suis pas servi. Une pauvre servante au moins m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point infectée, et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas, à cause de quel manque à parler vos gelasses. Tiré de Molière, Les femmes servantes, acte 2, scène 7. Dira-t-on que ce dernier tresse en la charge? Non. Rien de plus exact que ce détail demeure. Rappelons-nous qu'au XVIe siècle, les servantes même de Robert Étienne étaient obligées de parler latin, et qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas, pourvu qu'à la cuisine elle ne manque pas. J'aime bien mieux pour moi qu'en épluchant ses herbes. Elle accommode mal les noms avec les verbes. Hérodise 100 fois, un bas ou méchant mot, que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bonnes soupes et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à faire un potage. Et Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots, en cuisine peut-être auraient été des sots. Molière, 1C. Tout dans cette œuvre admirable est une exacte peinture d'un certain coin de la société pendant que la première moitié du XVIIe siècle. Les Philamintes, les Bélises, les Armandes n'étaient pas plus rares alors qu'au XVIe siècle. Après avoir vu ce que Marie de Romieux écrivait pendant la Renaissance pour défendre les droits de la femme, trouverons-nous exagérée la scène dans laquelle les femmes savantes exposent le plan de leur académie? Nous voulons montrer à de certains esprits, dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris, que de science aussi les femmes sont meublées, qu'on peut faire comme eux de doctes à l'assemblée, conduites en cela par des ordres meilleurs. Nous approfondirons ainsi que la physique, grammaire, histoire, vers, morale et politique. Nous serons par nos lois les juges des ouvrages, par nos lois prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis. Les femmes savantes, acte 3, scène 2. Mais le succès de Molière dépassa le but que le grand comique avait poursuivi. Le ridicule qu'il jetait sur les femmes savantes allait faire perdre aux femmes jusqu'à cette modeste instruction qu'il leur permettait, alors qu'il faisait exprimer par Clitandre sa véritable pensée. Les femmes docteurs ne sont pas de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache, et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache, sans citer les auteurs, sans dire de grands mots, et clouer de l'esprit à ses moindres propos. Les femmes savantes, acte 1, scène 3. On ne saurait mieux dire. C'est ainsi que, plusieurs années auparavant, Mademoiselle de Scudéry en avait jugé. Et telle sera toujours l'opinion des esprits judicieux. Tout dans la femme doit être voilé, l'instruction comme la beauté. Et c'est avec une délicatesse infinie que Fénelon a pu dire des jeunes filles. Apprenez-leur qu'il doit y avoir, pour leur sexe, une pudeur sur la science, presque aussi délicate que celle qui inspire l'horreur du vice. La Rochefoucauld a lui aussi trouvé en cette rencontre la note juste. Une femme, dit-il, peut aimer les sciences, mais toutes les sciences ne lui conviennent pas, et l'entêtement de certaines sciences ne lui convient jamais, et est toujours faux. Mais le ridicule que Molière jetait sur les femmes savantes l'emporta sur les réserves qu'il avait faites. L'éclat de rire qui accueillit sa pièce fut général, et Boileau en prolongea l'écho en y ajoutant sa note railleuse. L'instruction fut condamnée avec le pédantisme, et l'ignorance triompha du tout. Les femmes sous Louis XIV, dit Thomas, furent presque réduites à se cacher pour s'instruire, et à rougir de leurs connaissances, comme dans des siècles grossiers, elles eussent rougi d'une intrigue. Quelques-unes, cependant, osèrent se dérober à l'ignorance, dont on leur faisait un devoir. Mais la plupart cachèrent cette hardiesse, sous le secret, ou si on les soupçonna, elles prirent si bien leurs mesures qu'on ne put les convaincre. Elles n'avaient que l'amitié pour confidente ou pour complice. On voit par là même que ce genre de mérite ou de défaut ne dut pas être fort commun sous Louis XIV. Avec sa finesse malicieuse, la Bruyère constata que les défauts des femmes ne s'accordaient que trop ici avec les préjugés des hommes. Pourquoi, dit-il, s'en prendre aux hommes de ce que les femmes ne sont pas savantes? Par quelles lois, par quels édits, par quels rescrits leur a-t-on défendu d'ouvrir les yeux et de lire, de retenir ce qu'elles ont lu, et d'en rendre compte ou dans leur conversation ou par leurs ouvrages? Ne sont-elles pas au contraire établies elles-mêmes dans cet usage de ne rien savoir, ou par la faiblesse de leur complexion, ou par la paresse de leur esprit, ou par le soin de leur beauté, ou par une certaine légèreté qui les empêche de suivre une longue étude, ou par le talent et le génie qu'elles ont seulement pour les ouvrages de la main, ou par les distractions que donnent les détails d'un domestique, ou par un éloignement naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par une curiosité toute différente de celle qui contente l'esprit, ou par un tout autre goût que celui d'exercer leur mémoire. Mais à quelque cause que les hommes puissent devoir cette ignorance des femmes, ils sont heureux que les femmes, qui les dominent d'ailleurs par tant d'endroits, aient sur eux cet avantage de moins. On regarde une femme savante comme on fait une belle arme. Elle est ciselée artistement, d'une polissure admirable et d'un travail fort recherché. C'est une pièce de cabinet que l'on montre aux curieux, qui n'est pas d'usage, qui ne sert ni à la guerre ni à la chasse, non plus qu'un cheval de manège, quoique le mieux instruit du monde. Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même sujet, je ne m'informe plus du sexe, j'admire. Et si vous me dites qu'une femme sage ne songe guère à être savante, ou qu'une femme savante n'est guère sage, vous avez déjà oublié ce que vous venez de dire, que les femmes ne sont détournées des sciences que par certains défauts. Concluez donc vous-même que moins elles auraient de ces défauts, plus elles seraient sages, et qu'ainsi une femme sage n'en serait que plus propre à devenir savante, ou qu'une femme savante, n'étant telle que parce qu'elle aurait pu vaincre beaucoup de défauts, n'en est que plus sage. Nous savons en effet que les femmes du monde se tenaient volontiers alors éloignées de l'instruction la plus élémentaire. Avant que Molière se fût moqué des pédantes, Mademoiselle de Scudéry constatait, comme Fénelon devait le faire après le succès des femmes savantes, que le danger de la science n'était pas aussi pressant ni aussi général chez la femme que le péril de l'ignorance. Encore que je sois ennemi déclaré de toutes les femmes qui font les savantes, je ne laisse pas de trouver l'autre extrémité fort condamnable, et d'être souvent épouvanté de voir tant de femmes de qualité avec une ignorance si grossière que selon moi elle déshonore notre sexe. Apprenez à une fille à lire et à écrire correctement, dira Fénelon. Il est honteux, mais ordinaire de voir des femmes qui ont de l'esprit et de la politesse ne savoir pas bien prononcer ce qu'elles lisent. Elles manquent encore plus grossièrement pour l'orthographe, ou pour la manière de former ou de lier les lettres en écrivant. Au moins accoutumez-les à faire leurs lignes droites, à rendre leurs caractères nets et lisibles. Mademoiselle de Scudéry avait aussi parlé des fautes d'orthographe grossières que commettaient des femmes aussi inhabiles à bien écrire qu'habiles à bien parler. Elles embrouillent à un tel point les caractères dont elles se servent qu'une femme reporte à une autre toutes les lettres que celle-ci lui a écrites de la campagne et la prie de les lui déchiffrer elle-même. Mais ce manque d'orthographe et ce griffonnage ne se remarquait-il pas jusque dans les lettres d'une spirituelle épistolière comme Madame de Coulanges? Montaigne remarquait de son temps que tout dans l'éducation des filles ne tendait qu'à éveiller l'amour. Je suis persuadé que la raison de ce peu de temps qu'ont toutes les femmes est sans doute que rien n'occupe davantage qu'une longue oisiveté. Combien juste et profonde est cette dernière remarque? La même observation est faite par Mademoiselle de Scudéry, qui se plaint que le désir de plaire soit la seule faculté que l'on cultive chez la femme. Sérieusement, y a-t-il rien de plus bizarre que de voir comment on agit pour l'ordinaire en l'éducation des femmes? On ne veut pas qu'elles soient coquettes ni galantes, et on leur permet pourtant d'apprendre soigneusement tout ce qui est propre à la galanterie, sans leur permettre de savoir rien qui puisse fortifier leur vertu ni occuper leur esprit. En effet, toutes ces grandes réprimandes qu'on leur fait dans leur première jeunesse de ne s'habiller point d'assez bon air et de n'étudier pas assez les leçons que leurs maîtres à danser et à chanter leur donnent, ne prouvent-elles pas ce que je dis? Et ce qu'il y a de rare est qu'une femme qui ne peut danser avec bienséance que 5 ou 6 ans de sa vie, on emploie 10 ou 12 à apprendre continuellement, ce qu'elle ne doit faire que 5 ou 6. Et à cette même personne, qui est obligée d'avoir du jugement jusqu'à la mort et de parler jusqu'à son dernier soupir, on ne lui apprend rien du tout qui puisse la faire parler plus agréablement, ni la faire agir avec plus de contraintes. Et vu la manière dont il y a des dames qui passent leur vie, on dirait qu'on leur a défendu d'avoir de la raison et du bon sens, et qu'elles ne sont au monde que pour dormir, pour être grasses, pour être belles, pour ne rien faire, et pour ne dire que des sottises. Et je suis assuré qu'il n'y a personne dans la compagnie qui n'en connaisse quelqu'une à qui ce que je dis convient. En mon particulier, j'en sais une qui dort plus de 12 heures tous les jours, qui en emploie 3 ou 4 à s'habiller, ou pour mieux dire à ne s'habiller point, car plus de la moitié de ce temps-là se passe à ne rien faire, ou à défaire ce qui avait déjà été fait. Ensuite, elle en emploie encore bien 2 ou 3 à faire divers repas, et tout le reste à recevoir des gens à qui elle ne sait que dire, ou à aller chez d'autres qui ne savent de quoi l'entretenir. Jugez-en, jugez après cela si la vie de cette personne n'est pas bien employée. La satire de Molière ne rendra que plus générale ses nonchalantes habitudes, et la vie inoccupée des femmes produira avec la paresse, la frivolité, le goût exagéré du luxe et des plaisirs mondains, pente fatale qui mène promptement à l'abîme. Ou bien le désœuvrement amollira à un tel degré les femmes et les jeunes filles qui, suivant le témoignage de Madame de Maintenon, elles ne seront plus capables d'aucun effort, même pour parler, même pour s'amuser, et que, inertes, apathiques, elles ne sauront plus que manger, dormir. Entre cette vie et celle de la brute, je ne vois aucune différence, et s'il en est une, elle est tout entière à l'avantage de l'animal, qui, du moins, se remue pour chercher sa pâture.